Dernier jour sur le boulevard. Maman pose le plat de spaghetti bolognaise sur la table de la cuisine. L'heure est grave. Dans la famille de Faustine, c'est par ce plat qu'on a pris l'habitude d'annoncer un changement majeur. La première fois, c'était quand ils ont quitté Genève. Faustine ne s'en souvient évidemment pas. Et depuis, c'est devenu les spaghettis du déménagement. Ce soir, les parents sont rayonnants et expliquent aux enfants entre deux éclats de rire que cet été, toute la famille s'en ira vivre en Belgique. C'est un pays à peine plus grand que la Suisse, situé au bord de la mer du Nord. Papa et maman y sont envoyés par la société qui emploie papa à Lausanne afin d'y ouvrir une filiale. Comme autrefois à Genève, maman sera la secrétaire de papa. Mais pour l'instant, papa montera à Bruxelles en éclaireur y chercher un appartement. Faustine est ravie de partir. Il faut reconnaître que depuis quelques mois, ça sent le roussi à l'école. Elle n'obtient plus l'adhésion totale de ses camarades, sans doute légèrement irritée par son petit côté autoritaire et tyrannique. Ses constantes tentatives d'attirer l'attention agacent. Ajoutée au fait qu'elle adore bouger et voyager, ça fera du bien à tout le monde qu'elle leur pompe un peu moins l'air. Au printemps, la classe de Faustine part en course d'école visiter le château de la Sala. Les enfants s'entassent dans un compartiment de train et, étonnamment, personne n'interdit à Faustine de se pencher à la fenêtre pendant tout le trajet. Elle adore l'odeur du ballast, en prend plein les poumons. Et puis c'est fascinant de penser qu'un tunnel peut vous couper la tête à l'improviste. Elle aime bien se la jouer aventurière, surtout quand il faut montrer son courage aux autres. À midi, les enfants sortent pique-niquer dans le petit bois qui jouxte le château. Ils ont visité d'immenses salles presque vides, surveillées par des armures portant arbalètes. Ils ont exploré des dizaines de vitrines, subissant l'interminable description d'objets sans intérêt. Ils ont parcouru des kilomètres de couloirs glacés. Il est étonnant que personne ne se soit enrhumé. Maintenant, Monsieur Raymond fait un feu pendant que les gamins cherchent des baguettes sur lesquelles planter leur cervelas. Faustine sort son ballon de pain ainsi qu'un minuscule tube de moutarde dont elle badigeonnera sa saucisse grillée. Quel régal! Ensuite, elle ouvrira la plaque de chocolat que maman a glissée dans son sac, terminant ainsi ce festin par un vrai dessert. Avant de prendre le train du retour, les enfants ont la permission de se promener seuls dans le village. Rendez-vous à la gare dans une demi-heure. Faustine court d'une boutique à l'autre, visite la boulangerie, l'épicerie, jusqu'à la mercerie. Maman lui a généreusement octroyé 1 franc. Elle tient absolument à rapporter quelque chose. L'automne dernier, elle s'est fait réprimander vertement, comme une égoïste qu'elle est, parce qu'elle avait oublié l'anniversaire de papa. Elle aimerait rattraper le coup, montrer à ses parents qu'elle n'est pas son cœur, bien que l'incident semble oublié depuis longtemps. Enfin, dans le kiosque de la gare, elle trouve son bonheur. Avec 1 franc, elle peut acheter un minuscule verre rempli d'alcool contenant 1 pruneau macéré. C'est papa qui sera content. Les dernières semaines avant le départ sont bien occupées. Papa s'active à Bruxelles alors que maman, à Lausanne, organise le déménagement. Tout emballer, mettre en carton, trier, jeter, résilier les abonnements, prévenir les écoles, le téléphone, le gaz, l'électricité, c'est un travail titanesque. Mais elle semble aimer ça, et avec elle, les choses avancent vite. Elle n'est pas du genre à avoir les 2 pieds dans le même sabot, ni à regarder chaque photo ou relire chaque lettre avant de l'empaqueter. Faustine a déjà terminé la tournée des adieux. Elle a revisité tous les coins qu'elle aimait bien, rendu ses livres à la bibliothèque et donné ses patins à glace à une amie qui n'a pas beaucoup de sous. Elle a trié ses jouets, se débarrassant au passage des souvenirs de bébé. Faustine aura bientôt 10 ans. Il est temps qu'elle apprenne à se détacher, a insisté maman. Elle ne comprend pas très bien, mais comme on ne lui demande pas son avis, la fillette fait comme si elle était d'accord. Chaque jour, elle regarde longuement les montagnes d'en face, les Alpes françaises et le massif du Mont-Blanc. Elle les fixe intensément, les grave dans sa mémoire. Ne pas les oublier, surtout, jamais. Pendant le mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés, Et comme maman ne veut pas savoir Faustine dans les pattes pendant qu'elle travaille, elle la confie à la femme de ménage. Ainsi, elle ira passer quelques jours en balai dans une ferme. Faustine est enchantée. L'exploitation est située dans la vallée du Rhône, entre Saint-Maurice et Martigny. Gladys, la femme de ménage, est une jeune personne aussi gaie que gentille. Elle a, ce qui ne gâche rien, deux garçons de 12 et 14 ans que Faustine trouve très beaux. Surtout quand Max, le plus petit des deux, veut bien la prendre avec elle sur la selle de son vélo quand il va chercher l'herbe des lapins. Faustine savoure la balade, propose d'aller chaque fois plus loin. Des lapins, il y en a beaucoup. Une immense cage juste à côté de celle des poules. Gladys lui a montré comment elle les nourrissait, elle lui a permis d'en prendre un dans ses bras. Un matin, réveillée dès 6 heures, Faustine a décidé de s'occuper des lapins, pensant soulager Gladys. Hélas, elle a oublié de refermer la porte derrière elle. Le temps qu'elle aille dans le fond de la cage regardez ce qui restait dans les mangeoires, les deux tiers des lapins s'étaient évadés. Ils couraient, heureux, dans le champ qui jouxtait la basse-cour et les écuries. Faustine a paniqué. « Oh, non, non, non, non, non, non, non, revenez tout de suite, rentrez là-dedans, immédiatement !» Elle a couru jusqu'au milieu du champ, tentant de leur couper la route. Elle a fait des grands gestes afin qu'ils rebroussent chemin. Au bout d'un moment, effroyablement long, les plus gros se sont enfin décidés à revenir dans la cage. Les autres ont suivi. Faustine les a comptés et recomptés. Il n'en manquait aucun. Ouf, personne n'a rien vu, quelle chance! Les derniers jours d'école se passent en douceur. Papa est revenu de Bruxelles, mission accomplie. Tout est prêt à y accueillir la petite famille. Il aide maman à terminer les transports et transferts de meubles dans le garde-meubles en attendant de pouvoir les importer dans la maison qu'ils espèrent trouver. Fin juin, tout le monde s'installera dans le train en direction de Bâle, d'où ils prendront un wagon-lit pour la Belgique. Cette année, pas de vacances en Italie. On passera l'été dans une nouvelle ville passionnante à explorer. Puis on préparera la rentrée scolaire. Un avenir prometteur s'il en est. La prochaine fois que Faustine verra une mère, ce sera celle du Nord.